te debe lo te retardar. Masabae, mon mari compliqué. Mon cœur, tu as fraudé mon amour. Oh oh oh oh, or que tu partageais notre amour à mille morceaux. Il faut savoir dans la vie, toi jeune homme, le soulard ne reconnaît jamais qu'il est soulardé. Masabae, mon mari compliqué. Thank you. Sabah.